Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, le plaisir de retrouver Carole Bouquet. Valentin, jeune homme à l'humour désespéré, squatte chez un oncle absent dans les beaux quartiers. Sur le même palier, Hélène, auteure à succès qui pourfend à travers ses livres tous les a priori. Entre eux, un chat qui va et vient, un fils en quête de père, une sœur en quête d'amoureux, une comédie piquante et farfelue. C'est vous qui occupez l'appartement d'à côté ? Oui, oui, c'est un appart qu'on me prête. Non mais ça me regarde pas, vous êtes le bienvenu. Sans blague. Il y a un drôle de type qui s'est installé à côté. Tu l'avais déjà vu avant ? Non, c'est la première fois. Je crois que tu pourrais me le présenter. Écoute, Roro, je sais que tu es en chasse. Je suis pas en chasse. Je suis prête pour une histoire. Et il fait quoi dans la vie, ce charmant jeune homme ? Bah, il est un peu à la rue, je crois. Tu m'étonnes. Putain, mais t'as pas le même air quand on parle à la télé des mecs en galère. On a rien à se dire. Ça se voit au premier coup d'œil. Le premier coup d'œil, c'est souvent un a priori. C'est un beau thème de bouquin, ça. Les a priori, les barrières sociales, tout le bordel. Oui, bah moi, au moins, je fais des efforts. Vous avez besoin de faire des efforts pour parler à un mec comme moi. Roselyne, ma petite sœur, Valentin, le voisin dont je t'ai parlé. Mais alors, c'était qui l'autre ? Oui, non, parce que je l'ai pris pour vous, alors forcément, je vais parler comme un pauvre type. Enfin, comme un malheureux. Valentin m'a invité à manger une crêpe un de ces jours. Tu crois que c'est juste pour me renverser sur son canapé ? Pas de danger, il n'en a pas. Pourquoi ça serait pas de votre faute aussi ? Si, c'était lui, une comédie d'Anne-Marie Etienne avec Carole Bouquet, Florence Foresti et Marc Lavoine. Un DVD TF1 Vidéo.